Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, Vivre avec la mort, une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a la grande peur métaphysique, l'inconnu pour toujours, des souvenirs d'enterrement sous la bruine et des corps étendus, pourtant si familiers et devenus étrangers. Il y a aussi des morts incongrues en plein été, des discours dits la voix étranglée au cimetière, mais aussi des morceaux de bravoure qui mettent des images sur nos souvenirs. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui a été volé, une femme qui n'aime pas les cimetières, la voix de Léon Blum, un enfant qui a perdu sa mère, un avocat qui prie, une amie éplorée, une femme seule avec ses souvenirs et un auteur qui ne sait qu'écrire. Ensuite, le décor. Des mots pour rendre hommage, du vert wagon et du jaune cadmium, un atelier, Marie Galante, la présence des absents, l'enterrement de Louis Jouvet, la volonté divine, ou pas, un accident, la voix d'André Malraux, le chant des partisans, les funérailles de Léon Blum et la mort de Johnny d'Ormesson. Aujourd'hui, premier épisode, on pense aux disparus. Faire l'éloge funèbre. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Frédéric Bouillet, vous êtes directeur des éditions POL. Vous avez remplacé Paul Otchakowski-Laurence, qui est mort accidentellement. Auparavant, vous avez perdu votre femme, Anne Dufour-Mantel, qui est morte aussi accidentellement. Vous écrivez avoir le sentiment d'avoir été volé de votre deuil et de votre chagrin. Oh là là, il s'agissait de ma compagne depuis 18 ans, et effectivement, et de mon éditeur d'abord, Paul Otchakowski, éditeur et ami que je connaissais depuis 30 ans. Donc, c'est des disparitions ensuite très rapprochées quand même, en moins d'un an, donc c'est en 6 mois de perdre ces deux personnes qui étaient des gens très proches, très importants dans ma vie. C'est sûr que c'est comme si on vous tirait un tapis sous les pieds. Je crois que finalement, d'abord c'est la brutalité de la disparition qui fait que tout d'un coup, on se sent volé de quelque chose. Ce que j'ai vécu, c'est tout d'un coup d'être projeté en une minute dans la solitude et dans une perte à laquelle on a du mal à croire finalement. Et on se sent effectivement d'une certaine façon persécuté, et on vit avec le sentiment que quelque chose nous a été volé, effectivement. Voilà. Et moi, je pense que il faut se sortir du deuil assez vite, parce qu'effectivement, dans le deuil, il y a ce sentiment. Peu de gens le disent, mais je crois que, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu et éprouvé. Dans le deuil, il y a le sentiment d'avoir été volé, qu'on vous a pris quelque chose. Voilà. Alors, ça paraît évident, puisqu'effectivement, vous avez perdu quelqu'un, et vous restez avec un lien qui est un lien vide, un lien creux, et peu à peu, il y a cette idée que quelque chose vous a été pris, et il y a un sentiment de persécution. Voilà, c'est ce que j'ai senti. Vous êtes peintre et vous étiez mariée avec Paul Otchakowski-Laurence, qui est mort dans un accident de voiture. Vous étiez tous les deux en voiture en janvier 2018, alors que vous étiez en vacances à Marie-Galante. Vous avez écrit un livre sur vous deux et sur ces vacances. Et dans le livre, vous dites que vous n'aimiez pas du tout, vous deux, les cimetières. Non, l'idée c'était de dire que en fait ça nous faisait rire. C'était pas qu'on n'aimait pas, hein, on s'en foutait. Et puis d'ailleurs ici, on est dans mon atelier, là, il y a le ciel de Marie-Galante. On est un peu entouré de Paul. Paul a toujours, on venait tout le temps ici et on dormait ici. Le livre, c'est surtout l'idée de, comme, enfin, ce que j'aurais espéré, c'est pas pour décrire les vacances, c'est pour essayer de créer comme une sorte de partition musicale de notre entente et cet échange dans quelque chose d'extrêmement vif et saisissant et toujours renouvelé. Là, j'avais envie de prendre des couleurs, donc une couleur un peu moisie, verte, étrange, et puis une couleur jaune, cadmium, difficile d'être plus vif que ça. Et les mélanger en direct pour essayer d'évoquer quelque chose de nous. Donc ça c'est l'huile ici avec le jaune cadmium et là c'est un pigment qui s'appelle vert wagon mélangé à un peu de blanc de Meudon. Ça fait un peu couleur. Alors je vais les verser. Et ici aussi. Ensuite, je vais très vite. Et ces tableaux, vous les avez commencés il y a longtemps ou c'est parce que vous saviez que non, qu'il y avait cet entretien aujourd'hui? J'ai commencé il y a 2 semaines. Je suis sortie de chez la psy, en fait. Et tout d'un coup, je me suis dit, il faut que je fasse des tableaux et j'ai fait ça en quelques secondes. Donc voilà, c'est une continuation. Et les photos de Paul étaient là avant sa mort. Il y en avait autant. Non, pas autant, non. Mais non. Là où on voit Paul danser dans le couloir, là on voit Paul qui me regarde à Marie-Galante. Là c'est Paul et moi en 99. Là c'est Paul l'été dernier. Enfin non, je sais plus comment compter les saisons. L'été dernier, l'été est déjà passé sans Paul, donc c'était l'été précédent. Non, je vis avec ces photos, c'est moi qui ai mis ça. Mais il y en avait toujours un peu, mais peut-être pas autant quand même. Ça, c'est Marie-Galante aussi. On s'est arrêté pour prendre cette photo et le tableau de la bande du livre Marie-Galante, c'est d'après une photo du centre de secours de Marie-Galante que j'ai prise en photo un jour avant l'accident. Et en plus, c'est ce centre de secours qui est venu. Alors on pourrait trouver ça un peu étrange de vivre avec des tableaux de ça, mais non, parce que ce n'est pas morbide. Léon Blum, obsèques de Roger Salengros, 22 novembre 1936. Écoutez maintenant le témoignage d'un ami. Ceux qui l'ont bassement calomnié, a écrit Léon Jouot, se souviennent-ils de l'immense service que Roger Salengros contribua à rendre à son pays en ces jours difficiles? La révolte grondait dans les quartiers ouvriers, les usines étaient occupées, chaque heure ajoutait de nouveaux contingents de grévistes à ceux déjà dans l'action. Il fallait agir. Roger Salengros remplit ce jour-là et cette nuit-là, noblement, humainement, son rôle de ministre de l'Intérieur, responsable de l'ordre public, sans oublier qu'il était un militant, défenseur de ceux qui réclamaient plus de justice. Cyril Roger Lacan, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'Inconnu, dans lequel il est question de la mort de votre mère en 1973, accidentellement, Donc vous aviez... 9 ans. Ce n'est pas un livre de souvenirs. C'est un livre qui n'appartient, je crois, d'ailleurs à aucun genre littéraire établi. En tout cas, c'est un cycle. Et la question que peut-être ce livre pose, je crois, c'est celle de la présence réelle en nous, des êtres après leur disparition. Je crois que tout ce qui se construit de fondamental en nous se construit dans la relation et dans la présence réelle qui s'établit entre nous et des êtres aimés, ou des êtres en tout cas avec lesquels nous dialoguons. Et la mort, c'est tout de même dans une vie ce qui décèle cette construction, ce qui peut dans certains cas menacer de l'anéantir. Je suis moins intéressé par la question de ma mort ou de l'après que de la présence en nous de ceux qui nous ont quittés. Et voilà, le thème de ce livre au fond, c'est, en tout cas, ce que peut-être ce livre interroge, c'est la possibilité justement d'accueillir cette présence réelle après le départ de quelqu'un, de l'accueillir dans les mots. Et si cet accueil dans les mots est possible, alors, et si on parle bien d'une présence réelle en nous, de quelqu'un qui n'est plus, alors cette présence doit être en quelque façon fertile, comme l'est à nos côtés la présence d'un être vivant. Elle est fertile, Cyril Roger Lacan, de chagrin, ou est-ce qu'elle peut être fertile de joie? Elle peut être fertile, me semble-t-il, et beaucoup de choses peuvent y faire obstacle, en ce qu'elle, comme toute présence humaine à un autre humain, comme toute présence aimée, elle a le pouvoir de, en quelque façon, d'enchanter le monde, de le transfigurer, de médiatiser notre accès au réel, et certainement, pourrait-on dire rapidement, de le poétiser. Ce que je crois, c'est que on parle beaucoup aujourd'hui de la résilience. Je comprends, sans être un spécialiste, que c'est un concept assez à la mode en psychologie. Et ce que, pour ma part, j'ai vécu, c'est que une résilience très forte, et je crois que c'est vrai de beaucoup d'enfants frappés d'un grand deuil, une résilience très forte peut aussi faire obstacle à cette instauration, à cette vie en nous d'une présence réelle de quelqu'un qui est parti. Je pense que l'être de résilience qui se construit, il peut cohabiter avec un être inconsolé, un être qui lui s'enfonce dans une nuit, dans un abîme inaccessible. Et c'est justement de la façon dont cet être-là, dont cet être inconsolé, dont j'ai dit quelque part qu'il porte en silence les couleurs de l'innommable, retrouve la parole, et la retrouve à deux. Il y a dans ce livre, pour moi en tout cas, une voix qui résonne dans la mienne, il y a des voix jumelles, et qui ensemble retrouvent la parole sur cet abîme, sur ce que Lao Tzu appelait le ravin du monde. Dehors, près de 20 000 personnes tentent de franchir le cordon de police qui maintient la foule des curieux. 20 000 personnes sont venues, certainement, place Saint-Sulpice, rendre un dernier hommage à Louis Jouvet. Les chars fleuris stationnent de chaque côté du porche de Saint-Sulpice. Des fleurs, il y en a partout. Le cercueil de Louis Jouvet vient d'être placé devant les marches de l'église. Monsieur Jean-Louis Barrault, au nom des amis de Louis Jouvet, monte maintenant à la tribune tendue de noir. Patron, je préférerais tellement me tenir debout devant vous, très longtemps et silencieusement. Il me semble que la magie du silence vous exprimerait beaucoup mieux notre vénération, notre reconnaissance et notre amour. Pardonnez-moi si je parle gauchement, vous de me deviner, et je vous demande un peu de m'aider. Est-ce que vous avez rêvé énormément après chaque mort? Non, non. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé, beaucoup rendu encore, qui a en plus augmenté d'autant plus ma tristesse. C'est tous ces gens autour de vous qui disent elle ou il me parle, je l'entends, je le vois ou je la revois. Alors, non, mais je respecte tout à fait ça, mais c'est pas du tout mon cas. Et ça n'a fait qu'aviver mon chagrin, même parfois ma certaine violence, parce que, non, hélas, ils ne parlent plus, ils ne sont plus là. Alors, rêver d'eux, oui, je peux dire que il m'est arrivé de faire des rêves, effectivement, et ça m'arrive encore, mais je ne veux pas être impressionné par ça. Je pense qu'on doit faire ce travail plutôt d'être face au néant et à la perte que de voir à tout prix meubler quelque chose par des illusions. Pour moi, ce sont des illusions. Ils ne sont plus là, ils ne me parlent pas, même si parfois, peut-être, je crois qu'ils me parlent, mais je sais que ce n'est pas vrai. Ils ne me parleront plus, ils ne seront plus jamais là, et il faut vivre avec ça, et peut-être que je trouve qu'il y a plus de dignité, même envers eux, de penser ça que de croire qu'ils sont là comme des fantômes derrière vous. Voilà, ou même à ce qu'on dit aux enfants, ce qu'on dit, ils sont là, ils te regardent. Voilà, ce que j'ai dit à ma fille, d'ailleurs, à notre fille, je lui ai dit ça pour la consoler, mais voilà, je crois que il faudrait avoir le courage de lui dire que non, quoi, qu'ils ne sont pas là. Mais il y a une. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à eux. Peut-être même au contraire, je crois que penser à l'autre qui a disparu, lui rendre hommage en quelque sorte, c'est effectivement d'avoir le courage de penser véritablement qu'il n'est plus là, qu'il ne parle plus et qu'il n'est plus présent. Je ne crois pas à une vie après la vie, ça va peut-être vous surprendre, parce que je me dis chrétien, mais en tout cas, je ne crois que ça n'est pas ça, l'histoire, ce n'est pas quelque chose qui survit, ce n'est pas un après, comment dire ça, c'est difficile. Je crois simplement, profondément, que la mort n'est pas la fin des histoires, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose après la mort, en tout cas, ça, de façon figurative, ou voilà. Ça veut simplement dire que si on est vivant, si on veut vivre, si on veut rester dans une certaine dignité de vivant, il faut penser effectivement que la mort n'est pas la fin. Ce qui finalement est évident, parce que quelque chose de toute façon se poursuit sans vous. Je crois que arriver au soir de sa vie, c'est le moment pour le chrétien de se rappeler que jusqu'à la fin, nous sommes menacés. 13 janvier 1953. Le chrétien joue une partie qu'il peut perdre à la dernière minute. Et c'est ça qui est terrible. Seulement, il a aussi ce sentiment d'une protection. Justement parce qu'il a découvert qu'il avait quelque chose à dire. Il a ce sentiment qu'il y a quelqu'un derrière lui. Qu'il y a, si vous voulez, l'image est bien basse quand il s'agit de Dieu, mu comme un souffleur, si vous voulez, mais après tout, le Saint-Esprit, c'est le souffle. Eh bien, qu'il a un inspirateur. Je vous dis encore une fois, il ne faut pas trop s'y fier. Il faut craindre jusqu'à la fin. Vous allez me trouver bien janséniste. Je crois que le tremblement est nécessaire jusqu'à la fin, à condition que ce ne soit pas le tremblement de la peur, ou uniquement de la peur, mais que ce soit aussi un tremblement de tendresse, si vous voulez, d'amour. Alexandre Duval-Stalla, vous êtes avocat, catholique, et vous avez un rapport religieux à la mort. Ça veut dire quoi ? Ce qui est assez singulier dans le catholicisme, c'est que quand vous rentrez dans une église, vous avez quand même un mort sur une croix. Donc vous êtes confronté d'une certaine manière, dès les premiers, alors pas forcément votre baptême quand vous n'avez pas les moyens de réaliser, mais en tout cas vous avez, au fur et à mesure que vous rentrez, j'allais dire, dans l'intelligence du catholicisme, cette confrontation avec Jésus-Christ sur la croix, et donc un dialogue, alors le dialogue intérieur qu'est la prière, mais qui est toujours suspendu d'une certaine manière à cette question de la mort, c'est-à-dire que Dieu nous a donné une vie terrestre qui n'est pas forcément celle qu'il aspire pour nous, puisque c'est une, d'une certaine manière une vie céleste. Et il y a bien évidemment, je pense, chez tout catholique, cette réflexion permanente de confrontation avec la mort et de savoir quelle place nous assigne Dieu dans cette vie terrestre. Moi, j'aime bien aller aux enterrements parce que je trouve que c'est un moment de méditation. Récemment, nous avons assisté à la messe d'enterrement, justement dit par mon cousin, d'une mère de famille qui avait donc mon âge, donc la quarantaine, qui laisse 3 enfants et un mari. Et donc, bien évidemment, vous réfléchissez pourquoi elle, pourquoi à ce moment-là, pourquoi Dieu a décidé d'une certaine manière que sa vie s'arrêterait à ce moment-là. Et ça m'a fait changer la vue sur les longues maladies, parce que je pense que plutôt que le décès brutal, dont on espère tous finalement mourir dans son lit d'une crise d'anévisme, parce qu'on se dit que ça passerait rapidement, eh bien, en fait, cette jeune mère, elle a eu le temps de dire au revoir à ses enfants, et je pense que ça, un décès brutal ne le permet pas. Et je pense qu'elle leur a dit, en fait, beaucoup de choses. Donc, elle était aussi profondément catholique, et elle leur a dit, il y aura autre chose, et cette mort n'est pas la fin. Il faut imaginer que même ceux qui sont partis, qui nous ont laissés, qui nous ont abandonnés, et pour leur rendre grâce, il faut penser que la vie continue sans eux, et ce sans eux est beau, voilà, ce sans eux est fort. Voilà. Il faut plutôt penser ça que penser qu'ils sont toujours là, ou qu'il y a quelque chose qui survit d'eux. Voilà. Je préfère penser qu'on est responsable de ce sans, S-A-N-S. On est responsable du fait de n'être plus avec eux, et que ce plus avec eux a une dimension éthique, morale, qui doit nous faire tenir dans la vie. Voilà. Et qu'on n'a pas besoin de peupler cette absence par des illusions et des croyances qui, à mon avis, parfois, sont extrêmement... peuvent être extrêmement pernicieuses ou dangereuses, même. Voilà. Voilà, c'est peut-être un peu dur, ce que je dis. Même dans le chamanisme, je crois que... qui m'intéresse beaucoup, je crois que ce qu'on reconvoque, ça n'est pas l'être ou la personne, ce qu'on convoque, c'est une forme de présence qui est attachée à la nôtre, en fait. C'est pas une altérité fantomatique. L'esprit, s'il y en a un, il est en nous. Il n'est pas hors de nous. Et cet esprit-là, voilà, cet esprit-là, il a affaire avec le manque, avec l'absence, avec la. Voilà, c'est sa grandeur d'esprit aussi. Voilà. Se prolonga un poco a pesar del otoño. Las hemorragias se producen por muchas cosas, pero después de todo siempre es sangre y no puedo olvidarlo. Tú vives tu vida alegre, heroica. Vives realmente como si reclamaras a la sangre. ¡Vamos! ¡Mana! ¡Mana de una vez! Y la sangre, por supuesto, obedece. Et d'ailleurs, par rapport à la mort, j'ai souvent été motivée comme... C'était un livre que j'avais écrit sur la peintre Susan High qui est morte, noyée en sauvant 2 enfants de la noyade. J'ai écrit un livre sur elle parce que je ne voulais pas qu'il y ait une sorte de malentendu, parce que Susan peignait des sujets qui étaient assez... Enfin, elle allait à la morgue, elle peignait des cadavres, mais elle était complètement dans la vie. D'ailleurs... Elle avait 3 enfants et elle a sauvé un de ses enfants et l'enfant de quelqu'un d'autre. Et Anne Dufour-Montel était fascinée par cette histoire. Et dont Anne, qui était une très très grande amie aussi, dans son livre « La femme et le secret », elle a consacré un chapitre au livre que moi j'ai écrit sur Suzanne. Donc c'est toujours assez étrange d'avoir des choses qui reviennent un peu comme ça. Mais Oui, parce que Anne Dufour-Montel est morte en sauvant 2 enfants dans le sud de la France de la noyade. Et Anne Dufour-Montel était la compagne de l'homme qui maintenant a remplacé Paul Jacobski-Laurence à la tête des éditions POL, Frédéric Boyer. Oui, tout à fait. Mais Frédéric et Anne étaient de nos très très proches amis. Enfin, on était vraiment extrêmement proches. Ce sont des accidents. Quand c'est un accident, c'est incompréhensible. Est-ce que quand c'est un accident, Emeline Landon, vous, parce que c'était un accident, vous avez refait sans cesse le chemin dans votre tête et... Non, pas du tout. J'avance. Paul et moi, on avançait toujours et de toute façon, on était ensemble et puis. Voilà, moi, j'ai failli mourir aussi. Hein. J'étais à deux doigts de la mort. Il se trouve que je suis là, mais bon, c'est juste le seul petit truc qui me reste, c'est quand j'entends les hélicoptères, je ne me sens pas très très bien parce que là, j'ai vraiment failli mourir dans l'hélicoptère. Non, je ne refais pas du tout un chemin. D'ailleurs, je déteste ça. C'est vraiment, ça me dégoûte. Pardon, je suis un peu directe, mais c'est... Par exemple, je n'aime pas ce qui est circulaire comme ça. Comme par exemple, Paul, il aimait bien dire « couper le circuit de la connerie ». Et j'aime bien cette idée. Mais sauf que après, ça fait que quand on est un peu seul et moi je vis, j'avance et je vis dans comme une sorte de dialogue avec Paul. Mais la différence, c'est qu'on ne peut pas parler pour l'autre. La mort, ça empêche. On ne peut pas parce que en plus il y a chacun a sa vision de Paul et Paul était quelqu'un de tellement bon. C'était un père, un grand-père, un éditeur, un ami. Ce n'est pas à moi d'être le gardien du temple, mais bon, c'est tout de même moi pendant 19 ans qui vivais chaque geste quotidien avec lui. Donc c'est après, moi, je reste avec tous ces gestes quotidiens, même les plus simples. Et c'est dans la solitude, mais toujours avec lui. Est-ce que Cyril Roger, là, quand vous posiez des questions enfant sur votre mère après sa mort, à votre grand-mère, à votre père, pour des questions sur sa personnalité, sur elle, sur ses goûts? Si j'écris de la littérature, c'est sans doute aussi par un désir de ne pas parler de façon, j'allais dire, plus directe, pour des raisons qui, aujourd'hui encore, m'échappent. Cette disparition accidentelle, brutale, tragique, a été entourée d'un très grand silence, et que les enfants que nous étions, mon frère et moi, je pense, n'avons pas... Disons qu'on ne s'est pas senti encouragé à rompre ce silence, et que très vite, l'excès même de ce silence a forgé, en tout cas, bien sûr, je ne peux parler que pour moi, dans mon rapport au monde, quelque chose qui était empreint d'un très grand désarroi, d'une très grande révolte, et progressivement d'un refus. Et je pense que c'est, peu à peu, les années passant, dans une alchimie au fond très lente, c'est dans ce refus aussi que ces textes sont nés, allant de pair avec ce sentiment que inconscient, irraisonné, mais tout de même assez viscéral, assez radical, que le monde entier se rendait complice d'une sorte de conspiration du silence, et que la vérité qui par là se trouvait niée, devait trouver refuge quelque part. Voilà. Il y a peut-être un texte qui parle plus particulièrement de ça. Il est bref, j'en lis un passage. Comme s'éloigne le bruit du monde, combien de fois au milieu d'invités a-t-il dérivé pendant qu'on lui parlait? Était-ce toi ou ton absence, ce bandeau sur les yeux? Était-ce moi, cet homme qu'une inconnue invisible prend par la main, emmène? Il se sent comme un intrus dans ce monde qui bruisse autour de lui. À moins que ce ne soient eux les intrus, occupant sans titre du pays neigeux du deuil qu'ils noircissent sans le voir. Occupés à leurs calculs, à leurs parades, à poser des collets d'intrigue, grimaçant sur une scène que mine l'absence de l'inconnu. À ce jeu, l'invisible se donne tous les droits. Dans ce silence, ce déni, un bibelot insignifiant, s'il parle d'elle, devient une relique. En silence, l'intrus porte les couleurs de l'innommable. Vous conservez, Frédéric Boyer, des objets qui ont appartenu à ces deux personnes? Je ne suis pas là-dedans, voilà, pas trop en tout cas. Je suis un peu, parce qu'on a tous des petites faiblesses. Et puis, non, mais évidemment, il y a une tendresse. Donc, bien sûr, je garde des choses, des objets, des photos. Par exemple, pour notre fille, effectivement. Je crois que c'est important qu'elle, à un moment donné, elle ait ça. Je garde certaines choses. Après, on est dans le bureau. Ce qui était le bureau de Paul, je ne l'ai pas changé véritablement, je l'ai un peu rangé, j'ai déplacé un peu la table, et tout le monde est venu me dire, alors ça c'est l'inverse, et vous allez voir que c'est la même chose, tout le monde est venu me dire, oh là là, il faut surtout, ne t'installe pas dans ce bureau, change tout, eh bien non, voilà, parce que là aussi c'est de la superstition, voilà. Alors, sauf si ce bureau ne m'avait pas plu, je l'aurais changé, mais il se trouve qu'il me plaît. D'une certaine façon, c'est vrai que je suis là où lui est. Donc les tableaux que vous regardez au mur, c'était les tableaux que Paul avait mis au mur. Peut-être que progressivement, j'en changerai, je ne sais pas. Mais je n'ai pas voulu entrer dans cette superstition-là. Je ne me prends pas pour Paul, évidemment, surtout pas. Mais je suis là où il était, et ça ne me dérange pas plus que ça. Ça me réconforte un peu. Mais en même temps, je n'investis pas les lieux et les objets d'une pensée fétichiste, enfin voilà, ces objets ils sont là, ils sont assez muets d'ailleurs, et voilà, et je suis avec eux comme Paul était avec eux, mais voilà, j'essaye de ne pas être justement dans cette pensée là fétichiste. Bon, voilà, peut-être j'ai tort, mais c'est comme ça. 19 décembre 1964. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice. Qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Alexandre Duval-Stalla, savez-vous à quoi servent les horizons funèbres que vous aimez? Alors, les horizons funèbres, alors bon, il y a deux grands auteurs, hein, c'est Bossuet et Malraux sur les horizons funèbres. C'est un exercice qui est souvent utilisé. Il est souvent utilisé en politique, il est un peu utilisé pour les écrivains, pour les avocats, et pour d'autres, et puis de plus en plus, notamment lors des enterrements, les uns et les autres prennent la parole pour parler un peu du défunt. Il y a plusieurs types d'oraisons funèbres. Il y a celle où celui qui les prononce parle de lui. Il y a les oraisons politiques, et d'une certaine manière, celle de Bossuet comme celle de Malraux sont des oraisons politiques. Il y a aussi des oraisons qui sont des méditations sur la mort, et donc qui font réfléchir. Et d'une certaine manière, les sermons aujourd'hui dans les églises sont une manière de faire réfléchir à la mort. Mon cousin, qui est curé, discutait un jour de cette question-là, et il avait l'impression que parfois c'était une sorte de service public que de venir faire une messe d'enterrement pour des personnes qui ne venaient pas régulièrement à la messe. Et je lui disais que c'était peut-être justement l'occasion de faire réfléchir les uns et les autres sur leur présence ici dans cette église. Vous avez peut-être aussi les uns ou les autres envie d'être enterrés de manière religieuse. D'ailleurs, ça peut être chez les catholiques, mais pareil dans d'autres religions. Hein. Alors, soit c'est parce que c'est finalement une sorte de pari pascalien, au cas où ça, la religion dirait vrai. Au moins à la fin, on tente, si ce n'est le diable, en tout cas le pari pascalien. Mais je pense qu'en fait, c'est un moyen, un moment de réflexion. Et dans notre monde où tout va très vite, voire trop vite, ce temps de réflexion sur savoir finalement qui on est, à quoi on sert et quel est le sens de nos vies. Hein. C'est un peu d'ailleurs ce que, alors un peu moins Bossuet, mais Malraux, c'est dans Les Oraisons funèbres d'une certaine manière. D'abord, il s'adresse beaucoup à la jeunesse. Il y a cette idée de transmission en fait, c'est-à-dire qu'il va s'adresser à la jeunesse. Il va s'adresser à la jeunesse en expliquant que avoir accompli ses actes. Alors, il y a Jean Moulin, mais il y a aussi tous les autres, puisqu'il intègre aussi les veuves noires de Corrèze, il intègre aussi le peuple de l'ombre, tous ces gens qui se sont engagés. Et il y a chez André Malraux plus qu'une méditation sur la mort, qui est le prisme de Bossuet, un engagement à la vie, en fait. Et un engagement à la vie par deux moyens, l'action et l'art. Et c'est pour ça qu'il va notamment faire ce Georges Braque du Corbusier comme oraison funèbre. Et il y a cette magnifique, effectivement, j'allais dire, philosophie de Malraux, hein, qui est que nous nous arrachons à la mort par à la fois l'action et par l'art. Avant que Georges Braque repose dans le petit cimetière normand qu'il a choisi, j'apporte ici l'hommage solennel de la France. 3 septembre 1963. Jamais un pays moderne n'a rendu à un de ses peintres morts un hommage de cette nature. L'histoire de la peinture qui trouve dans l'œuvre de Braque un accomplissement magistral a été une longue histoire de dédain, de misère et de désespoir. Jusque par sa mort, Braque semble assurer la revanche des pauvres obsèques de Modigliani, du sinistre enterrement de Van Gogh. Puisque tous les Français savent qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Victor Hugo, il est bon de leur dire qu'il y a une part de l'honneur de la France qui s'appelle Braque, parce que l'honneur d'un pays est fait d'abord de ce qu'il donne au monde. Vous êtes un lecteur, Cyril Roger Lacan, de d'Éloges funèbres. Pourquoi aimez-vous lire les Éloges funèbres ? Certainement pas, en tout cas, par une sorte de goût particulier pour tout ce qui tiendrait à la mort. Aucunement. Je crois que c'est vrai que je lis pas mal des Éloges et des Oraisons funèbres, et Bossuet, Massillon, Fléchier, tous ces grands prédicateurs du XVIIe siècle qui, à l'exception de Bossuet, je crois, ne sont plus tellement lus aujourd'hui. Il y a au moins deux choses qui font que j'aime les lire. La première, c'est que même si le genre était assez codifié, d'autant plus que nous sont surtout parvenus des oraisons funèbres de cour, donc un genre très particulier, très marqué par le contexte social dans lequel s'exprimaient ces orateurs, puisque ces textes sont faits pour être dits, même s'ils sont très écrits. Malgré tout, une oraison funèbre, c'est toujours un hommage. Et j'ai toujours trouvé que l'hommage rendu par un être à un autre est quelque chose de très beau, et on a tous cette habitude fâcheuse d'attendre que l'un d'entre nous soit parti pour lui rendre cet hommage. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait méditer, et on devrait saisir les uns et les autres toutes les occasions qui nous sont données de rendre hommage à ceux qu'on connaît, à ceux qu'on aime, dans nos vies. Voilà, donc ça c'est une première chose. J'aime l'hommage, j'aime le tu. Il y a des textes évidemment beaucoup plus modernes. Enfin, je pense à l'adieu Emmanuel Lévinas qu'a écrit Jacques Derrida, par exemple, qui est un texte difficile, en tout cas pour moi, comme beaucoup de ce qu'écrit Jacques Derrida, mais qui est un très beau texte. Et évidemment, on trouve des formes plus modernes et plus libres d'hommage rendu à un disparu. Mais malgré tout, il me semble qu'il y a une beauté particulière de ces textes. Ça tient aussi au fait, je dois le dire, que c'est sans doute un peu contingent par rapport au thème de la mort, même si on pourrait dire peut-être à certains égards que le XVIIe siècle a été aussi le grand siècle de la célébration, d'une certaine manière de célébrer la mort et de parler autour de la mort dans la civilisation française. Ça tient au fait que je suis amoureux de cette langue. Le pouvoir qu'a la langue française de concilier la clarté et le mystère, qui me paraît être une part de son génie propre. Chaque langue a le sien. Je trouve quelque chose qui s'incarne de façon éblouissante dans ces textes. Alors, dans l'esprit de ces prédicateurs, il s'agissait surtout de donner à entendre et à sentir le mystère chrétien. Mais il y a quelque chose de plus profond et de plus personnel qui souvent transparaît. On entend ça notamment dans l'Oraison funèbre du prince de Condé par Bossuet, qui est la dernière qu'il ait écrite. Il avait avec le prince de Condé une relation particulièrement forte, personnelle, et on pourrait dire, en employant un mot un peu galvaudé aujourd'hui, sentimental. Et on entend dans cet hommage rendu au grand, où il est d'ailleurs important politiquement de balancer l'hommage rendu et la mention aussi des fautes et des révoltes contre l'autorité royale qui ont marqué certains moments de sa vie. On entend l'hommage rendu à l'ami de manière très émue, notamment à la fin du texte, que je ne me rappelle plus exactement, mais qui commence par « Plutôt que de commenter la mort des autres, grand prince, je veux apprendre à rendre la mienne sainte. Trop heureux, si averti par ses cheveux blancs du compte que je dois rendre de mon administration, je réserve... » Voilà, j'ai un petit peu oublié la fin, mais enfin... c'est un très beau texte. Et donc voilà, je crois ces textes ont un pouvoir très singulier aussi, je trouve, qui est celui de ressusciter tout ensemble et d'un seul tenant l'ensemble du contexte qui les a vus naître. Je trouve que quand on lit ces grandes oraisons funèbres, on a vraiment le sentiment, je parlais tout à l'heure de présence réelle, c'est quelque chose de très important pour moi. On a le sentiment d'une présence réelle, non seulement de celui qui a prononcé cette oraison, mais de ceux qui l'ont entendue, et du contexte dans lequel elles ont été prononcées, qui est pourtant très loin de nous. Si tout se déroule ainsi qu'il était prévu, ce sera maintenant le tour du président de la République, M. Vincent Auriol. Le maître des cérémonies monte sur l'estrade et annonce l'orateur. Effectivement, ce sera le président qui vient de quitter la tribune et qui, à pas très lent, se dirige vers la tribune. Monsieur Vincent Auriol, président de la République française. Obsèques de Léon Blum, 2 avril 1950. Il est très, très ému. Il regarde le cercueil, s'incline. Grand et tendre ami, c'est votre frère cadet, comme vous vouliez parfois m'appeler, qui vous apporte son adieu. Un adieu d'affection. Un adieu de douleur. Que pensez-vous, Alexandre Duval-Stalla, des hommages rendus par Emmanuel Macron à Johnny Hallyday ou à Jean d'Ormesson? Bon, oui. Dans une oraison funèbre, que c'est le cas pour Bossuet, c'est le cas pour Malraux, et c'est le cas pour Emmanuel Macron, c'est bien évidemment une occasion politique. C'est-à-dire que cette oraison funèbre est avant tout une occasion politique, c'est-à-dire de partir de la vie de Johnny ou de Jean d'Ormesson, d'en tirer des leçons politiques, et d'une certaine manière de continuer à faire de la politique à travers ces discours-là. Et donc, à travers Jean d'Ormesson, c'était bien évidemment cette France littéraire, cette France aristocratique aussi, cette France politique, hein, qui avait le virus de la politique et qui aimait ça, et qui adorait, Jean d'Ormesson adorait les présidents de la République. Mais d'une certaine manière aussi, Johnny a été ami de la plupart des présidents de la République. Et donc, il y a ces liens, toujours, enfin, la France est une nation extrêmement politique, donc il y a toujours, d'une certaine manière, des liens entre les uns et les autres. Le général de Gaulle ne voulait pas de funérailles nationales et il ne voulait pas aller au Panthéon. Alors, c'est la grandeur gaullienne, en fait, la grandeur gaullienne qui s'incarne, en fait, dans la simplicité. Et il a choisi d'être enterré, effectivement, auprès de sa fille, donc la petite Anne, qui était trisomique, pour lequel il avait une tendresse infinie. Alors, sur la panthéonisation, bien évidemment, je pense que le général de Gaulle ne voulait pas être dans cette grande église froide, désaffectée. On a posé la question récemment aussi à la famille de Clémenceau, ils ont aussi également refusé. Clémenceau est enterré à côté de son père. Il n'y a même pas de dalle funéraire, ils sont enterrés l'un à côté de l'autre, dans la terre, plutôt que d'aller le déplacer, même avec son père, comme on a pu faire pour certains couples, comme les Veilles, par exemple. Il faut respecter cette simplicité. Êtes-vous un lecteur, Frédéric Boyer, des Oraisons funèbres de Bossuet ? Oui, j'en ai lu, c'est beau, mais oui. Au-delà de Bossuet, ce qui est beau, c'est la parole. C'est ce que j'ai fait, moi, avec mon propre texte. Voilà, j'ai eu besoin. Là aussi, il y a cette question de dire, pourquoi il se précipite pour écrire quelque chose. Je peux le dire, parce que j'ai entendu ça un peu derrière mon dos. Alors, je veux dire deux choses. D'abord, quand on est écrivain depuis 40 ans, c'est la seule chose qu'on sache à peu près faire, donc... Et on n'écrit pas pour faire plaisir, ni même pour se faire plaisir, on écrit parce que finalement, progressivement, notre existence se raccorde à ça, à cette activité d'écrire, qui n'est pas plus importante qu'une autre d'ailleurs, mais qui le devient pour vous en tant qu'écrivain. Donc un écrivain, ça écrit, voilà. C'est pas forcément bien d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et ensuite, bien sûr que l'homme, que l'humanité a très vite... mis la parole face à la mort, enfin, à confronter la parole et la mort, et c'est très important, c'est un acte de vie, c'est de poser la parole sur la mort, de poser la parole sur l'absence, et même, finalement, les débuts de l'écriture, c'est une forme de témoignage de ce qui n'est plus, ou de ce qu'on n'a pas, et donc c'est important, effectivement, qu'on puisse écrire sur la mort et à partir de la mort, voilà, c'est important. C'est parfois, en tout cas pour Bossuet, de l'ordre du discours, et ce discours s'adresse aux autres, il s'adresse. Tout en s'adressant à celui ou celle qui est morte, qui n'est plus, on s'adresse à ceux qui sont là, qui sont restés, qui sont en vie. Ouais. Peut-être pas immortel, et a été publié combien de temps après la mort d'Anne Dufourmentel ? Alors, c'est une colle. Non, c'était publié en avril, donc elle est morte en juillet, donc voilà, c'est quelques mois après. Et certains passages de ce texte, est-ce que vous les avez prononcés lors de l'enterrement ? Non. Non, j'ai pas voulu trop parler pendant l'enterrement. Voilà. Là aussi, on rentre dans des sortes de cérémonies, de rituels auxquels je me plie. Mais dans le fond, ça ne m'intéresse pas trop, ça ne m'a pas intéressé trop. Je pense que c'est important de le faire. C'est mon athéisme à moi, voilà. Si j'avais eu le choix, je serais resté tout seul, sans rien faire et sans rien dire. Je ne suis pas arrivé, mais indépendamment de ces disparitions, ça a été vrai à tout. C'est arrivé assez souvent d'aller dans des enterrements ou des cérémonies, quelles qu'elles soient. Je n'arrive pas à communier dans ces cérémonies-là, à me dire que c'est important, à me dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Sûrement que c'est important et sûrement que quelque chose se passe, mais... Moi, je n'y arrive pas, voilà. Et vous allez parfois dans... Est-ce que avant, ces deux morts, vous alliez dans des cimetières voir des tombes d'écrivains célèbres, ou est-ce que vous êtes allé voir la stèle de Chateaubriand ? Non, franchement, non. Mais là aussi, c'est pas mon truc. Franchement, ça me fatigue. Ces commémorations, ça m'ennuie beaucoup, moi. Par contre, oui, j'aimais. Alors, je pense que maintenant, j'irai moins. Mais j'aimais bien, comme beaucoup de gens, me promener dans les cimetières. Il y a toujours quelque chose, mais je dirais c'est presque à la fois intriguant. Il y a une curiosité même un peu amusante. Enfin, on dit les noms sur les tombes. Il y a quelque chose. Voilà, oui, ça c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Je crois que peut-être que le meilleur recueillement, c'est vraiment la solitude et le vide et... Célébrer l'absence avec un amoncellement de signes, de pierres, de cailloux, de trucs, de rites, de fleurs, de je sais pas quoi, de paroles. Je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon truc. qu'est-ce que vous pensez, Cyril Roger Lacan, de la place qu'occupent les morts dans notre civilisation, dans notre société en ce moment? J'aurais peur ici peut-être de vous dire des choses plus banales, comme chacun d'entre nous, je... Il m'arrive d'observer mon époque, même s'il m'arrive aussi de... Je le confesse, de chercher à m'en abstraire un petit peu, justement, pour porter intérieurement certaines choses, puisque c'est une... Je crois que ce qu'on voit, en tout cas, cohabiter de manière un peu étrange et parfois un peu troublante, c'est la coexistence d'une civilisation qui fabrique de l'oubli avec une intensité toujours plus grande, malgré tout. Enfin, notre quotidien surinvesti par la communication connectée, à l'évidence, et on le sent, je crois, presque charnellement, chacun d'entre nous, fabrique en nous de l'oubli, et j'allais dire un oubli qui n'est pas poétique, enfin, qui est un effacement, qui a partie liée avec une saturation, et pas avec un silence, pas avec quelque chose, notamment, qui permet de porter en soi la mémoire de quelqu'un, et puis d'une sorte de... parfois d'excès mémoriel et commémoratif, à quoi il arrive qu'on soit également porté, peut-être pour compenser ce que je disais un instant. Je dois dire que je ne suis pas sociologue, je ne suis pas capable de le penser entièrement par moi-même, mais on voit bien la coexistence de ces deux choses. Après, et on voit également peut-être aussi une certaine difficulté malgré tout à porter dans des rites des moments de passage, ces moments de passage que sont le moment du deuil, le moment de la présence à la dépouille. Il me semble qu'on vit une époque qui tâtonne beaucoup, avec un certain nombre de choses qui, autrefois, allaient de soi, peut-être pas toujours pour le meilleur, mais enfin, allaient de soi et qu'on peine un peu à réinventer. C'était « Faire l'éloge funèbre », un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Doudou, c'est la vie, quand elle se dit notre ami. Doudou, c'est la vie, elle joue à nous unir. Avec Frédéric Boyer, éditeur et écrivain, Emmeline Landon, peintre et écrivain, Cyril Roger Lacan, chef d'entreprise, et Alexandre Duval-Stala, avocat. Prise de son Fabien Gosset, recherche INA Marie Chauveau, mixage Claude Niort. Elle est ce qu'on est. Elle nous défait, elle nous refait. Elle nous défait, elle nous refait. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en rédigeant l'éloge funèbre, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, enterrer ses morts. Et pendant une semaine, avec Tank, notre partenaire, allait creuser encore les histoires d'amitié de la semaine dernière et regarder Vivant, le film de Vincent Boujon. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.